se réveillera par un matin plus clair sous un soleil plus chaud pour une vie nouvelle. On se réveillera, on se réveillera et nos yeux s'ouvriront. C'est plus belle, on se réveillera, on se réveillera, encore tout étourdi de ne former qu'un être. On se réveillera comme des enfants qui viennent juste de naître. On se réveillera, nu de notre passé, pur des années gâchées, avant de se connaître. À l'aube d'un espoir, au sortir de la nuit, qui nous cachait la vie, on se réveillera avec un cœur tout neuf et sans regret aucun.